mbozimuwa kanga mawe na tumba zibululu. Lulemboke la wawa ya mululu kiese na luzingu. Yanga mwela, yanga zingu, emanga munu kwenda wapi? Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Wana décolle, Fumuketita, Utina Nishija, Ndangui Neke, Ngungashi Kwidyoho. Écolier, écoute ma voix, pour inviter à l'école, le temps s'envole. Kole nguri kilete joka tinu kule kole ndangu mumwendo ye ekolie le temps perdu ne se rattrape pas, il faut hâter le pas en traversant les rues. Mwana le kole ndangu dalai yoke le kule ndia simbaku enda nangu ni malu mwana mukwe sumbu kishinjila. Écolier, ne mange pas, si tu ne travailles pas, ignorons cet danger que tout homme doit éviter. Mwana l'école, kuleni wadiako, atala kusaririko, kuyumbaka buna kotu fwete watinaya. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mepunza kinzololo, lenguri asolo na musolo, ye mungu toma wandika toma, ye jangu kabaka ndumba ya toma. Mwanza kinzololo, nguria solo na musolo, ungu toma kwandika toma, tangu kabaka ndumba ya toma. Kafe, ya ndi wa toma, afara. A l'école, le maître parle, mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang, mes enfants. Je vais compter. Je vais compter jusqu'à toi. Professeur et professeur en mélodie. À Farah. Mains sur les épaules. Autant. Fixe. Autant. Fixe. Autant. Fixe. Un à un. À rentrer un à un. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Professeur, professeur en mélodie. Ah, ah malanda, essuyez-moi le tableau. Ah malonga, essuyez-moi le tableau. Ah, ah mangukao, essuyez-moi le tableau. Brazzaville.